Chapitre 20. La grande machine à chewing-gum. Monsieur Wonka conduisit le groupe à une gigantesque machine qui se dressait au centre même de la salle des inventions. Une montagne de métal luisant, dominant de très haut les enfants et leurs parents. Tout en haut, elle portait quelques centaines de fins tubes de verre, et tous ces tubes étaient courbés vers le bas, formant un bouquet suspendu au-dessus d'un énorme récipient, aussi grand qu'une baignoire. « Et voilà !» cria Monsieur Wonka. Puis il pressa sur trois différents boutons qui faisaient partie de la machine. Au bout d'une seconde, on entendit un effroyable grondement. Toute la machine était secouée de façon inquiétante, dégageant de la fumée de toutes parts, et soudain, les spectateurs virent couler du liquide dans tous les petits tubes de verre, en direction de la grande cuve. Et dans chacun des petits tubes, le liquide était d'une couleur différente, si bien que toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bien d'autres encore, se rencontraient dans un formidable éclaboussement. C'était un très joli spectacle. Et lorsque la cuve fut presque pleine, Monsieur Wonka appuya sur un autre bouton et aussitôt, le liquide cessa de couler à l'intérieur des tubes. Le grondement se tut pour faire place à un mélange de bourdonnement et de sifflement. Puis un tourniquet géant se mit à virevolter dans l'énorme cuve, frappant les liquides multicolores comme un ice cream soda. Petit à petit, le mélange se mit à mousser. La mousse se fit de plus en plus abondante, virant du bleu au blanc, du vert au brun, puis du jaune au noir pour redevenir bleu à la fin. « Attention !» dit Monsieur Wonka. Il y eut un déclic et le tourniquet s'arrêta. Alors, on entendit une sorte de bruit de succion et très rapidement, tout le mélange bleu et mousseux de la grande cuve fut aspiré jusque dans le ventre de la machine. Après un bref instant, il y eut quelques grondements bizarres. Puis ce fut encore le silence. Et soudain, la machine poussa une plainte monstrueuse et au même moment, un minuscule tiroir, pas plus grand que celui d'un distributeur automatique, sortit brusquement du flanc de la machine. Et dans ce tiroir, quelque chose de si petit, de si plat, de si gris, que tout le monde crut à une erreur. On aurait dit un petit bout de carton gris. Les enfants et leurs parents ouvrirent de grands yeux sur ce petit bout de carton gris blotti dans le tiroir. « C'est tout !» dit Mike TV, l'air déçu. « C'est tout !» répondit plein de fierté Monsieur Wonka. « Tu ne sais donc pas ce que c'est ?» Il y eut un silence, puis soudain, Violette Beauregard, mâcheuse de gomme chevronnée, poussa un long cri hystérique. « Mais c'est de la gomme » hurla-t-elle. « C'est une barre de chewing-gum !»« Exact !» s'écria Monsieur Wonka. Il donna une tape dans le dos de Violette. « C'est une barre de gomme. Et cette gomme est la plus étonnante, la plus fabuleuse, la plus sensationnelle du monde !»